Moi je te vois toujours pas, je crois. Ah, c'est en train. Non, t'attends, c'est en train de réfléchir. Non, je vous écoute pas. Oh, et ah, ça y est, j'ai tout le monde, je crois. Ah non, j'ai pas de Nati, mais sinon les autres. C'est bon. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est bon. Ouais, je t'entends, Olivier, ça y est, puis je t'entends presque en direct. T'entends bien là. Qui c'est qui parle là? J'ai tout le monde. Okay. Moi c'est juste un problème de volume, alors j'entends rien au niveau du volume, c'est. Mais j'entends pas du tout. 1, 2, 3. Je vois tout le monde. C'est pas toi Olivier, non. Donc c'est qui parle là? C'est double basse? Moi j'ai entendu quelqu'un, t'es Donati. C'est qui parle là? Vous. Ouais. Il faut que vous compreniez. Ouais, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Donc double basse, qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, le délai va disparaître. Ah oui, c'est parce qu'il enregistre une mesure, je crois. Bonjour. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que. 1, 2. Non, moi je t'entends Franck pour l'instant. Le délai va disparaître. Moi j'entends. J'entends. Ah Olivier, oui je t'entends, mais vraiment tu viens de dire à l'instant, tu viens d'enregistrer une mesure. Donc toi je t'entends là, mais avec presque 30 secondes de retard. Dis-moi quelque chose Olivier qui va nous parler là. Olivier. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Tu fais téléphone Olivier ? 1, 2. 2, 3. Oui. Qui correspond à une mesure. Ouais, voilà, on va couper c'est bon, le je t'entends bien. En fait, le logiciel, c'est, il joue avec une mesure de retard pour que tout le monde soit en équerre, c'est oui, ça le principe. Bien, donc c'est normal qu'on s'entende pas en direct. Ok, bah on coupe.